Bonjour Claude Agège. Bonjour. J'ai cru comprendre d'ailleurs un jour, c'était dans le point du 26 juin 2009, que vous aviez dit que vous préfériez même les langues aux femmes. Vous aimiez plus les langues que les femmes, pour faire la transition avec la chronique de Caroline. Vous voulez que je développe deux minutes ? Non. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Ah. J'ai dit que très attiré par la beauté des filles, il m'est arrivé d'avoir des choix douloureux, crucifiants à faire. À deux reprises, j'avais d'un côté un terrain que j'avais demandé depuis très longtemps, qu'on m'avait enfin accordé, étudier une langue très loin, sur place, avec les gens qui la parlent. Et d'un autre côté, une fille dont je m'étais épris et qui me plaisait beaucoup. Et l'abandon de l'une pour faire l'autre était quelque chose de définitif. Je savais qu'en allant faire ce terrain, je ne retrouverais pas la fille qui n'avait aucune raison de m'attendre d'ailleurs. Et vous avez donc préféré faire le terrain quand même. Vous avez préféré faire le terrain. J'ai dans les deux cas choisi la langue, oui. Ah oui, vous êtes oui, c'est... Oui. Alors, cependant, tout de même, une dernière chose, bien que je récuse la vulgarité typiquement machiste et insupportable, des langues qui s'apprennent sur l'oreiller, je considère que beaucoup des langues que j'ai apprises ont été apprises grâce à la bienveillance de filles qui ont été usagères et qui ont bien voulu me transmettre ce trésor. Alors justement, Claude Agège, nous avons évidemment le très grand plaisir de vous recevoir ce matin. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, rappelons que vous êtes un linguiste renommé, grand polyglotte, amoureux des langues, de toutes les langues, de beaucoup de langues. Et c'est peut-être d'ailleurs là toute la question, puisque votre dernier ouvrage, du coup, s'appelle « Contre la pensée unique ». Alors avec vous, Claude Agège, nous allons donc essayer de comprendre comment se forme cette pensée unique et pourquoi il faut s'y opposer, selon vous, une pensée qui serait strictement liée à l'usage d'une seule langue et qui pourrait ainsi façonner nos esprits, et nos esprits non pas forcément pour le meilleur, mais plutôt pour le plus commun. Alors, est-ce qu'une langue change ou pas notre vision du monde ? La richesse de la pensée passe-t-elle justement par la diversité des langues ? Et puis, la langue française résistera-t-elle donc à la pensée unique ? Nous allons voir avec vous toutes ces questions ce matin. Pour peut-être repartir très vite d'une base, bon, pour définir une langue, si je vous comprends bien, donc on a un système de signes linguistiques, vocaux, graphiques ou gestuels. C'est ça une langue qui permet la communication entre les individus. Mais, page 59, on avance d'un cran tout de même aussi, puisque vous dites « posséder les mots et les diffuser, c'est posséder la pensée ».